sort Georgette. Gustave se rasseyant. Eh bien, je t'écoute, Magis. D'abord, mon vieux, toutes mes félicitations. Elle est ravissante. Gustave. Hein, tu as vu ça? Magis. Je te comprends. Je te comprends très bien. Mais il y a Justine. Gustave. Ah, ben ça, Émile, je n'y peux rien. Magis. Tu avais promis. Gustave. Eh oui, j'avais promis. Et alors? J'étais sincère, je t'en donne ma parole. Je croyais aimer Justine. Ce que j'éprouvais, je croyais que c'était l'amour. Mais en voyant ce que j'éprouve pour Georgette, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'amour. Voilà mon drame. Magis. Mais oui, c'est évident. Il n'est pas question de revenir là-dessus. Vois-tu ce qui l'embête, Justine, c'est de t'avoir quitté en si mauvais termes, en te disputant. Gustave. Oh, je ne lui en veux pas. Magis. Elle s'en veut. Tu sais comment elle est. Le tact, la délicatesse. Gustave. Justine? Magis. Mais oui, tu ne la connais pas. Alors tu comprends, mets-toi à sa place. Tiens, tu devrais venir jusqu'à la maison un de ces soirs. Vous parleriez gentiment. Tu ne crois pas que ce serait plus élégant? Gustave. Ah, élégant, je ne dis pas. Mais comment faire? Tous les soirs, je reconduis Georgette jusqu'à Courbevoie. J'y reste pour dîner. Et elle est fière, tu sais, jalouse. Tu n'imagines pas. Gustave, si tu me mentais une fois, une seule fois. Elle me l'a dit souvent. Pour elle, la vie, c'est comme ça, les yeux dans les yeux. Elle ne le pardonnerait pas. Magis, pour un soir. Demain, tu viendras après le bureau. Rien qu'un moment. Tu pourras encore aller la rejoindre, Georgette. Tu lui diras que tu as du travail supplémentaire, que tu dois rester à la banque jusqu'à 7 heures, que ton chef te l'a demandé. Ça arrive, ces choses-là. Gustave, tu as raison, tiens. Entendu, je viendrai demain. Mais une seule fois, tu sais, Émile, pour m'expliquer, loyalement. Georgette apparaît à la porte du fond. Gustave se lève et la rejoint. Ils sortent. Magis vers le public. Là-dessus, en voyant la suite, on va me prendre pour un rusé, un astucieux, l'embûche, le traquenard. Pas du tout. Je m'en foutais, moi, de ma sœur. Là, dans ce café, je ne pensais qu'à une chose, éviter une scène au retour. Avec ces deux femmes assoiffées de sang, il me fallait quelque chose à leur mettre sous la dent. Je leur rapportais une tranche de Gustave, qu'elles s'arrangent. Non, ce qui me tracassait, c'était une phrase de Gustave. Je croyais l'aimer, il m'avait dit. Il croyait aimer Justine. Et sincèrement, les veaux, c'est rare qu'ils ne soient pas sincères. Jusqu'au jour où... Ce qui fait que s'il n'avait jamais rencontré sa Georgette, il aurait pu vivre jusqu'à 100 ans en croyant que ce qu'il éprouvait pour Justine, c'était l'amour. Heureux, content, vivant sur un sentiment qu'en réalité, il n'éprouvait pas. Parce qu'enfin, sa Georgette, il l'avait connue comment? Par hasard. Il aurait pu aussi bien ne pas la rencontrer. Et il y a des gens, certainement, des tas qui ne l'ont jamais rencontré, leur Georgette, et qui parlent, qui jugent, qui tranchent. On dit l'amour, on répond l'amour, et chacun parle d'autre chose. L'un en est à Justine, l'autre en est à Georgette. Puis, sa Georgette, bon, très bien, parfait, mais si demain il en rencontre une autre, et puis une autre, Adèle, Lucie, Zoé. C'était donc ça, l'amour? Une échelle dans le noir, dont on ne sait jamais combien d'échelons il reste? Un ascenseur dont on ignore à quel étage il se trouve? Ou est-ce sérieux? La garantie? Je parle de l'amour, mais le désir c'est pareil. On dit avec Léa c'est formidable. Mais ça veut dire quoi formidable? Relatif. Vous me direz, l'amour ça se sent. La fièvre aussi, ça se sent. N'empêche qu'il y a le thermomètre. Ce n'est pas pareil d'avoir 37,5 ou 39,8, hein? Je pense que... L'amour, comment savoir? Formidable, mais formidable 37,5 ou formidable 39,8? Un bubon, c'est un bubon. Un cancer, c'est un cancer. Mais l'amour? Georgette plus que Justine. Bon, ça va. Mais ce n'est pas une mesure, ça. Aucune raison là-dedans. Rien de sérieux quand on va au fond des choses. Et derrière Georgette? Après Georgette? Il faudrait tout le temps vérifier, alors, avec toutes les femmes. Et si tout cela n'était qu'une blague, hein? Une énorme blague, hein? Si l'amour, ce n'était qu'une idée, qu'on se fait. Puisqu'on ne sait pas, puisqu'on n'est jamais sûr. Et voilà le sentiment qui mène le monde. Parce qu'il y a des gens qui, par amour, font des choses incroyables. Qui déménagent, qui changent de métier. Tout ça pourquoi? Pour une fièvre, dont ils ne savent même pas si c'est 37,5 ou 39,8. Ça vous fait pas frissonner? Ça, Georgette, bon, j'avais rien contre. Mais je voulais savoir, vérifier... Un amour comme celui-là, s'il était si solide, il devait résister à une petite épreuve. Une toute petite. C'était même un service à leur rendre, dans un sens. Le lendemain, j'ai téléphoné. Allô? Les trois quartiers? Mademoiselle Georgette Blossard, s'il vous plaît. Ce n'est pas une communication privée, c'est de la part de sa mère. Elle n'a qu'une mère, monsieur. Pas de communication privée, quelle mentalité. Allô? Allô, ma jolie, il y a... Vous occupez pas, c'est un ami. Il y a votre Gustave qui vous a dit qu'il avait des heures supplémentaires ce soir à la banque. Sans vous commander, vous devriez téléphoner vers les 6h30 pour voir. À cette heure-là, votre Gustave sera chez une bonne femme rue du Borrego. Sans adieu, ma jolie. Sérieusement, j'espérais qu'il résisterait leur amour. Ma sœur, je m'en foutais, je vous dis. Ce qui me guidait, c'était l'intérêt scientifique. Mais ils m'ont bien déçu tous les deux. Gustave est revenu rue du Borrego. Pas fier d'abord, le regard souvent un peu vide, puis petit à petit. Un jour, je lui ai demandé, et Georgette, il m'a dit, c'était trop beau. Ils sont mariés, ma sœur et lui. Ils sont allés en voyage de noces, à Fontainebleau. Ça leur a plu. Fontainebleau, vous connaissez? Jamais été, moi. La nature. Apparaît une chambre d'hôtel. Devant le lit, Rose, une grosse femme placide. Magis. Ah! Voilà Rose! Rose, Rose, Rose! Rose. Alors? Magis. J'ai couru. Il y avait du monde dans le métro. Rose, indifférente, enlevant son chemisier. Ah oui? Magis. J'ai vu un cure-temps chinois, ce qu'on a pu se marrer. Rose. Regarde mon dos, je crois que j'ai un bouton. Magis. Non, c'est rien. Il enlève son veston, tandis que Rose s'assied sur le lit. Magis. Tu as vu les nouvelles dans le journal? Rose. Je m'en fous. Magis. Il commence à faire plus froid. Tu ne trouves pas? Rose. Quoi? Magis. Ce que je disais, qu'il commence à faire plus froid. Rose. Où ça? Magis. Ben, partout, in the street. Rose. J'ai pas remarqué. Magis vers le public. Un caractère, je vous jure. À Rose. Tu y tiens, ton petit Émile? Rose. Ça t'intéresse? L'orient ses seins. Regarde-moi cette poitrine. Magis. Rose. Des seins comme ça. Il y a des femmes qui donneraient 10 ans de leur vie pour avoir des seins pareils. Magis. Je pense bien. Rose s'étend sur le lit. Magis vient vers le public en enlevant sa cravate, en déboutonnant sa chemise, en se grattant. Magis. Et on se mélangeait, forcément. Un homme, une femme dans une chambre, il y a une sorte de solitude qui les traque, qui les pousse l'un vers l'autre. On n'aurait rien fait, on aurait peut-être cessé d'exister. On aurait peut-être fondu. Pourquoi aurions-nous été là, sinon? Pour causer? Elle n'appréciait pas ma conversation, Rose. Parfois je parlais, tout ce qu'elle me rétorquait, c'était... Rose, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Magis. Et c'était merveilleux. Un désert, cette femme-là. Pas un arbre, pas une ombre. C'est à Rose que je dois d'avoir découvert ceci. La vraie vie, il n'y a pas de raison. Pas de mobile, rien. J'avais déménagé aussi. Rose, toujours sur le lit. Il y a une chambre de libre dans mon immeuble, au 6e. Tu devrais la prendre, ça me serait plus commode. Magis. Bon. Rue Montorgueil, c'était. Dans un sens, ça m'arrangeait. Depuis son mariage, je la gênais, Justine. Elle avait déjà persuadé ma mère d'aller vivre chez sa sœur, à Meaux. Le bon air. Puis, avec Rose, l'hôtel, 2 fois par semaine, le pourboire, je me disais, Émile, tu baises au-dessus de tes moyens. Mais des raisons là-dedans? Rien du tout. Pourquoi je couchais avec Rose? Parce qu'un copain de chez Rivet me l'avait fait connaître. Mais pourquoi t'es chez Rivet? Puis cause Gustave. Pourquoi Gustave? Parce qu'un jour, dans le métro, ma sœur avait eu son paletot pris dans la portière et qu'il l'avait aidé à se dégager. Ce qui fait que chaque fois que je couchais avec Rose, j'aurais dû penser que la raison, c'était le petit coup de sifflet d'un employé de métro. Mesquin, non? Misérable. Et on pourrait ne pas s'arrêter. Pourquoi cet employé était-il si pressé? Pourquoi Gustave était-il dans le métro? Il était né dans la Nièvre, il aurait pu y rester. Vous appelez ça des causes, des raisons? C'est un brouillamini dilué à l'infini. Mais merci bien, je vous le laisse. Rose. T'as fini, Victor Hugo? Magis. Je viens, ma Rose. Il s'étend à côté de Rose. La lumière s'éteint. Après un moment, on entend dans l'obscurité la voix de Rose. Dis donc, pour aller à Europe, je change à Réaumur ou à Strasbourg-Saint-Denis? Lorsque la lumière revient, la scène est vide, mais Magis rentre par le fond. Pendant les répliques suivantes, il va se rhabiller. Magis. Et je vivais à ma hauteur. C'était ça le merveilleux. Je vivais dans ma vérité. Jusque-là, je croyais que le système, c'était devant nous. Pas vrai, ça. Le système, c'est au-dessus. Un filet, je dirais. Un filet tendu au-dessus de nous, genre pergola, qui nous accroche, nous soulève. Alors, on n'est plus à sa hauteur. Le système vous hisse sur une estrade. Sur une estrade, plus rien n'est vrai. On fait le zouave, on n'est plus soi-même. Et le mensonge commence, à cause des raisons. C'est par les raisons que le filet vous raccroche. Parce que sans les raisons, on croulerait jusque tout au fond de soi-même. Et on n'ose pas, on a peur. C'est que le fond de soi-même, hein, ça fait caverne. Alors, on se raccroche au filet. Rose m'avait amené en dessous de l'estrade. Plus de raison, plus rien. Mais j'étais bête à cette époque. Je n'y reconnaissais pas le bonheur. Vous savez ce qui m'a perdu? Vous ne devinerez jamais. C'est que je jouais bien aux cartes. C'est bête, hein? J'étais cloporte, heureux comme un cloporte. Je me suis laissé mettre cette plume à mon chapeau. J'étais perdu, un cloporte à plume, hein? C'est à cause d'Eugène aussi, le mari de Rose. Apparaît l'appartement de Rose. Rose est occupée à repasser. Eugène, son mari, lit le journal. Eugène. « Alors, Émile, qu'est-ce que ça dit, Carnot ?» Magis. « Bonsoir, Eugène. Bonsoir, Rose. Comment vous allez ?» Eugène donna une tape dans le dos de Magis. « Sacré Magis, tu me fais marrer, tiens. » Magis. « Pourquoi ?» Eugène. Bah, « de manière, avec Rose. Et la confiance, ça n'existe plus ?» Magis vers le public. Est-ce qu'il savait ou il ne savait pas? Je n'arrivais pas à comprendre. Allant vers Rose. Il sait ou il ne sait pas? Rose. Quoi? Magis. Ben, entre toi et moi. Rose. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Laisse Eugène tranquille. Magis. Bon, ce que j'en disais. Eugène. On va à l'escargot? T'appelles la carte? Magis. On va. Magis et Eugène vont vers le café, où ils ont été précédés par le garçon et les deux clients. Premier client. « Ah ah, voilà notre champion !» Deuxième client, secouant les bras de Magis. « Allons, Magis, sortez-nous un peu tous ces atouts que vous avez cachés dans vos manches !» Premier client. « Il va encore nous plumer !» Eugène. « Sacré Magis, il se fait des rentes ici !» Magis est visiblement flatté. Le garçon pousse une des tables vers le devant de la scène, et les joueurs s'installent. Entre Monsieur Berthoulet. L'accueil est aussi empressé que pour Magis, mais avec une nuance de considération. M. Berthoulet est un homme de 55 ans, digne mais jovial. Eugène. Salut, M. Berthoulet. Deuxième client. M. Berthoulet. Berthoulet. Messieurs, mon cher Magis, ne vous dérangez pas, je ne fais qu'entrer et sortir. Je vais regarder le jeu de Magis. Il a une façon de jouer, ce gaillard-là. Premier client. Hé hé, M. Berthoulet qui reconnaît son maître. Berthoulet. Je le reconnais, messieurs. Devant Magis, je tire mon chapeau. Un Magis qui vient de jouer. Bien ça, mon vieux. Habile. Deuxième client au premier. Alors, ça viendra ? Premier client. Attends, papa. Picre, la femme. Il abat une carte. Magis en abat une autre. Deuxième client. Eh ben, Eugène. La dame de monsieur, il l'a dans le dos. Premier client. Et au ministère, monsieur Berthoulet, qu'est-ce qu'on raconte ? Berthoulet. On attend les élections. Le garçon approuvant Magis. Joli. Deuxième client. Et cette ONU entre nous, qu'est-ce que vous en pensez? Berthoulet. Oh, il y a du pour et du contre. Deuxième client. C'est bien ce que je me disais. Magis triomphant. Et 10 de der. Eugène. Il ramasse encore tout le salaud. Berthoulet. Ah, Magis, c'est quelqu'un. Magis vers le public. Et moi, comme un imbécile qui ne voyait pas le danger. Magis, c'est quelqu'un. Je me rengorgeais. Je me mettais à exister. Le péril, le précipice. Il faut n'exister que juste ce qu'il faut. Une fois qu'on se laisse aller, on ne sait plus où ça s'arrête. Voyez Napoléon. Berthoulet rejoignant Magis. Mon cher Magis. Magis, monsieur Berthoulet. Berthoulet. J'ai mon oncle de Montauban chez moi, le receveur. Il aime la carte, mais ça l'ennuie de venir jouer au café. C'est un vieux douillet. Il n'aime pas se déranger. Venez donc demain soir faire la partie à la maison. Si, si, j'insiste. Madame Berthoulet, ça lui fera plaisir. Apparaît l'appartement des Berthoulet. Pendant les répliques suivantes, entreront successivement Madame Berthoulet, l'oncle de Montauban et les trois filles des Berthoulet, Hortense, Lucie, Charlotte. Les Berthoulet et l'oncle s'installent à la première table, prennent leurs cartes et se recueillent. Les trois filles s'installent autour de la table du deuxième plan. Magis. Moi, j'y vais. Assez flatté, même. On les connaissait dans le quartier. Madame Berthoulet, une tripotée de filles, Hortense, Lucie, Charlotte. Magis s'installe à la première table, le jeu commence immédiatement. Hortense à la deuxième table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une nouvelle importante. L'oncle hésitant entre deux cartes. Je joue ça ou ça? Hortense. 5, 6, 7, une femme brune. Berthoulet. Alors, l'oncle. Doucement, qu'on ne me bouscule pas. Si je joue ça et qu'il a le valet, à Magis. Vous avez le valet? Magis. C'est selon. L'oncle. C'est pas une réponse, ça. Mais vous ne pouvez pas l'avoir. Il abat une carte. Magis abattant une autre carte. Et le valet? L'oncle. Nom de Dieu! Mais vous ne pouviez pas l'avoir, normalement. Ah, ce n'est pas de jeu, ça. Je reprends ma carte. Magis. Ah, pardon. L'oncle. Vous n'allez pas m'apprendre les règles? Depuis 32 ans que je suis dans l'administration. Magis vers le public. C'est égal, ils ont une drôle de façon de jouer à Montauban. Hortense. 4, 5, 6, 7, tu rencontres un beau jeune homme blond. L'oncle. Mais il en épouse une autre. Abattant une carte. Je prends. Magis se lève pendant qu'aux deux tables, on continue à jouer. À gauche de la scène apparaît l'appartement de Rose. Magis à Rose. Non, pas ce soir. Je vais chez les Berthoulet. Rose. Encore? Gros cochon. C'est pour les trois poulettes que tu y vas? Reviens pas en petits morceaux. Tu as tous tes boutons? Montre-toi. Alors, donne-moi ton veston, Gaston. Magis enlève son veston. Rose y recoue un bouton. Magis vers le public. Chez Rose, pas de raison. Chez les Berthoulet, il entraînait dans tous les coins. J'étais mûr pour la péripétie. Quiconque se met à penser aux raisons, l'angoisse se profile. Et derrière, la péripétie. On est heureux, on cherche les raisons de son bonheur, on s'aperçoit alors qu'elles sont précaires. Je pourrais être malade, perdre mon emploi, je n'ai pas d'économie. L'angoisse. On s'agite, on cherche autre chose, la péripétie. Une fois dans le système, on pense à la durée, vient l'angoisse. Je me disais, Rose, d'accord, bon, le plus beau derrière du quartier, certainement. Mais quoi, depuis 2 ans, ça ne peut pas durer. Mais où est-il écrit que les choses, ça ne doit pas durer? Et la tour Eiffel, elle ne dure pas, non? Et le caillou? Vers Rose. Hein? Le caillou? Rose, quel caillou. Magis retournant vers la table de Berthoulet en grommelant. Le caillou? Il reprend son jeu. L'oncle. Pique, je prends. Magis. Carreau, je prends. Entre Monsieur Raffard, bel homme, important et disert. Madame Berthoulet qui est la première à le voir. Monsieur Raffard. Berthoulet. Monsieur Raffard. À Magis. Mon chef de bureau. À Raffard. Ça pour une surprise. Raffard. Bonne, j'espère. Berthoulet. Excellente, monsieur Raffard. Excellente, pensez donc. Raffard. Madame Berthoulet, mes hommages. Toujours le teint de la rose. Madame Berthoulet. Monsieur Raffard. Raffard. Je passais dans le quartier. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire un doigt de cour à la belle madame Berthoulet. Berthoulet et sa femme en cœur. Monsieur Raffard. Raffard. Ah, vous n'avez qu'à vous bien tenir, vous savez, Berthoulet. Si jamais vous négligiez cette jolie petite femme, je suis sur les rangs, madame Berthoulet. Vous êtes taquin, monsieur Raffard. Raffard. Vous faisiez une partie, je ne veux pas vous déranger. Berthoulet. Vous pensez, mais ça ne vous dit rien. Je sais que vous êtes amateur. Raffard. Berthoulet, je vois que vous connaissez mes points faibles. Berthoulet. Nous avons là justement notre oncle de Montauban, le receveur. L'oncle. Très honoré, monsieur. Raffard. Non, monsieur, c'est moi. Berthoulet. Notre ami Magis. Raffard. Monsieur. Berthoulet. Cela fait 4 joueurs d'une assez jolie force. La partie peut être intéressante. Raffard. Et madame Berthoulet. Ah, je tiens à voir, madame Berthoulet, les cartes à la main. Madame Berthoulet. Je joue si mal. Raffard. Une jolie femme joue toujours trop bien. Elle vous regarde, on est troublé, distrait, séduit. On en oublie ses cartes. On n'ose pas jouer sans modeste trèfle. On joue cœur pour lui plaire. L'oncle. C'est pas un système, ça. Raffard. Mais c'est mon genre. À moi les plaisirs, à moi les ivresses. Tête brûlée. N'est-ce pas, madame Berthoulet? Madame Berthoulet. Ben, si on veut, monsieur Raffard. Hortense à Magis. Laissez-les donc, monsieur Magis. Venez avec nous. La jeunesse fera un rami. Magis, le visage illuminé, avance d'un pas, tandis que derrière lui, Raffard prend sa place. Magis. La jeunesse fera un rami. Et c'était moi. Moi. La jeunesse fera un rami. C'était vrai que j'avais leur âge. Je ne le savais pas. Personne n'avait l'air de le savoir. La jeunesse fera un rami. Comme un très très vieux jardin entre des murs. Et au fond, une source. Une toute petite source. Comme une porte qui s'ouvrait. La jeunesse fera un rami. Il se tourne, va vers la table des jeunes filles et s'y assied. Hortense distribue les cartes. Magis est changé, il s'anime. Magis. Ah ah ah, le roi de pique. Rire des jeunes filles. Berthoulet de loin. Ça va la petite classe? Magis. Ça va. Et la dame de trèfle, qu'ayez la prend. Par ici ma jolie petite poupée. Rire des jeunes filles. Qu'ayez là un roi dont elle fera les délices. Si tu veux faire mon bonheur. Na na na na na na na na. Hortense étonnée. Monsieur Magis. Magis, très lancé. Mademoiselle Charlotte, vous connaissez l'histoire de l'Auvergnat? Charlotte, non, quel Auvergnat? Magis, c'est un Auvergnat qui se promène avec un autre Auvergnat. Alors, il voit une voiture avec la plaque CH. Il dit à son ami, tiens, CH, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'ami, imbécile, ça veut dire chouiche. La jeune fille rit, mais Magis rit tellement qu'il en a le fou rire. Il ne s'arrête plus. De l'autre table, on le regarde. Madame Berthoulet à Raffard. Oh, ils sont si bruyants. Raffard. Laissez, Madame Berthoulet, c'est de leur âge. Les soucis leur viendront assez tôt. Vers Magis. Bravo, jeune homme. Vous êtes un joyeux de riz. J'aime ça. J'aime que la jeunesse soit gaie. Un jeune homme triste, je dis que c'est un jeune homme malade. Ah, moi aussi. Il fut un temps où il se passait guère de soirée que je n'endosse mon smoking. Et ma foi, je ne déplaisais pas. J'ai connu le sourire des belles, Madame Berthoulet. Dites-moi, Berthoulet, ce jeune homme, il est compétent? Berthoulet. Oh, très compétent, monsieur Raffard, très sérieux. Raffard. Vous savez que Jolivet ne va pas bien du tout. J'étais le voir à la clinique dimanche dernier. Ben, ça, je me suis dit, c'est une vacance dans 2 ou 3 semaines. Nous pourrions proposer ce jeune homme. Il me plaît. Berthoulet se levant très ému. Magis. Raffard. Vous permettez? Raffard. Mais oui. Berthoulet. Mon cher Magis, vous entendez? Monsieur Raffard prend sous son aile votre candidature au ministère. Madame Berthoulet. Fonctionnaire. Magis se levant. Fonctionnaire. Berthoulet. La considération, la pension, il faut fêter ça. Charlotte va chercher la nisette. Charlotte va jusqu'à l'armoire et de loin. Monsieur Magis, venez m'aider à porter les verres. Magis la rejoint. Charlotte le regarde. Magis la prend dans ses bras, l'embrasse sur la bouche. Rideau.